Bonjour. Et si j'allais travailler en Suisse? Je suis Yves Gauthier, coach emploi. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. Premier point clé, le CV. Alors, il est de tradition en Suisse d'avoir un CV plutôt sur deux pages. C'est la norme. Souvent, les Français qui rédigent sur une page se signalent, donc privilégiez un CV sur deux pages. Un point, faites des passerelles entre les intitulés français et les intitulés suisses. Par exemple, en Suisse, on ne parle pas de baccalauréat, les diplômes ont d'autres appellations, donc faites des passerelles. Autre point clé sur votre CV, indiquez si vous êtes titulaire d'un permis de travail. Il existe différents permis, L, B, C, G, mentionnez-les. Alors, une parenthèse pour les Français. Beaucoup de Français écrivent « permis B », ils parlent de leur permis de conduire, mais attention, permis B en Suisse, ça correspond à permis de travail. Donc mettez permis de travail, par exemple, permis B, et en dessous, permis de conduire. C'est une confusion qui souvent se produit pour les candidats français. Autre point, il est habituel sur un CV suisse de marquer des références. Par exemple, dans telle société, référence Monsieur Maréchal, directeur des ventes. On marque les références, mais pas forcément les coordonnées directes pour contacter ces personnes.